pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Il est con, il y a là. Il fait con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Ce Florent Malouda, je m'en remets pas. Alors maintenant, il va falloir parler autrement parce qu'il paraît que je vais devenir une star de la chanson française. Eh oui. Voilà, ça c'est quand même important. Vous êtes là? Est-ce que tout le monde est là? Oui. D'accord. Allez, écoute. Alors, déjà, c'est quand même un truc assez drôle. C'est que, donc, on a parlé de Ribéry. Alors, le scoop, donc, Ribéry ne parle plus en français. Le scoop, moi, déjà, c'est qu'il parlait en français avant. Déjà, ça, c'est un scoop. Et non, mais il faut comprendre qu'il faisait la gueule parce que lui, il arrive dans la zone mixte. Il n'y avait pas une seule meuf. Il s'est dit, c'est l'arnaque. Il y avait Margot. Si tu veux, le mec, on lui dit, c'est une zone mixte. Lui, quand il va aller dans les mixtes, il y a les gonzesses. Et là, zéro, quoi. Alors, puis, un jour, mon cher Gilles, un jour, je vous parlerai de cette Française qui travaille à Sky Italia. Ah, d'accord. J'en ai entendu parler. Il paraît qu'il y a de quoi faire. Enfin, moi, très, très, très, très mignonne. Elle est sympa. Ok. Sinon, il y a Fifi qui nous a appris un truc génial. C'est que le remplacement en temps réel, en français, ça se dit le coaching. Donc en fait en anglais on dit le remplacement en temps réel et en France on dit coaching. Donc c'est pas très clair ton histoire, le mot bref. Non, c'est pas clair du c'est tout. Pas ça, surtout quand c'est Wenger qui le fait. Ah bon, d'accord. C'est Wenger que t'as traité de boulet, pour un gunner c'est un peu normal. Bah oui, et Ashley Cole aussi t'as l'ancien gunner. Ashley Cole qu'on embrasse. C'est toi qui as dit qu'il ressemble à Tony Parker? Non, c'est qui? Bah, c'est un sosie, je sais pas qui. Bon bref. Oui, Fred qui nous a dit que comme il n'y avait pas de construction, donc pas de carrelage, voilà. Villarreal n'arrive plus à se développer. Je comprends beaucoup mieux pourquoi les Créteil Lusitanos n'arrivent pas à monter, parce que vu la crise financière et la crise de l'immobilier, ils vont jamais y arriver les mecs. Hein. Donc ça va être ingérable. On a appris aussi que Ribéry allait au zoo. Alors ça avait l'air de vous surprendre. Puis surprenant, c'est pas qu'il aille au zoo, c'est qu'il arrive à en sortir, Ribéry. Oh non, là non, ah, si. Ah, mais non. Ah si. Ah bah c'est ça. Je veux dire, les mecs, à un moment donné, normalement, ils devraient s'interposer, quoi. Et vous laissez les gens à l'intérieur, vous lui donnez pas à manger n'importe quoi déjà, c'est par respect, et puis vous le laissez dans sa cage. Alors, je voudrais commencer quand même, il y a eu deux disparitions aujourd'hui. D'abord, ça n'a rien à voir avec le foot, Manny Girardot quand même, mm-hmm. C'est quand même pas n'importe qui. Hein. Moi j'avais lu ses mémoires, ça se lit vite, hein. On dira ce qu'on voudra. On pense fort à elle. Et Daniel Riolo, qui n'est pas là. Daniel Riolo, et quand même, je voudrais quand même dire qu'un after sans Daniel, c'est un peu comme kebab sans harissa, c'est un peu comme un tacle sans les crampons de 18 ou une présidentielle sans Alain Madelin, ça manque de piment. Et Daniel d'ailleurs m'a laissé une lettre. Présidentielle sans Alain Madelin. Oui, c'est pas pareil. Une lettre de Daniel que je voudrais vous lire. Cher Julien, je t'écris cette lettre des Bahamas où le reflet du soleil sur la mer brûle mes pupilles et tanne ma peau de satin, ma peau de latin. Je te sens si loin et les formes oblongues des Nayans nacrées de sel ne font pas oublier ton corps moulé dans son maillot tourtel saison 93-94. Bon après ça devient, c'est un peu personnel. Je contemple l'horizon dont la profondeur n'a d'égal que les pensées de Siak Atiené. Ici tout est paradisiaque, sauf qu'on n'a pas foot plus. Mais va dire à des cons de dégénérés insulaires qu'une parabole t'en as à 87€ sur eBay et que c'est quand même pas sorcier en 2011 de voir PSG Toulouse ou qu'on soit sur cette putain de planète envahie par les bobos et autres consanguins de supporters de clubs dont ils ont même pas de la ville. Bref, je divague. J'ai appris que ces buffles du Stade Rennais étaient co-leaders. Ça me donne presque envie de prendre un retour sur Air France avec une sonde Pitot. Je me demande d'ailleurs s'il a un lien avec Romain Pitot, le mec de la sonde, de Montpellier. Hein. Ah, à propos de Montpellier, tu claqueras une bille sur le cul de René Girard pour moi. Et tu m'enverras la cassette de la Madjer ratée de Benzema. Ça vaut pas un Marc Dorcel, mais je m'en contenterai. Tu me manques. Ton cher et tendre, Daniel. Voilà. Donc c'était la petite lettre de Daniel. C'était quand même un petit peu touchant. Fallait quand même lui rendre hommage, le pauvre, parce qu'il est, pas là. Concerto de Saint-Preux en plus là. Ah bah, l'a tué là. Concerto pour une voix, magnifique. Ouais. Hein. Ouais. Tu le chantes des fois sous la douche ou pas? Non, jamais. Bah t'es attends, tu attends. Ça me touchait pas Gamero, c'est mieux. Oui, bien sûr, ce grand tube. Hein. Le Paris Saint-Germain qui jouait contre le TFC. Hein. C'était bien parce que ce week-end c'était vraiment le week-end des paysans parce qu'ils avaient la salon de l'agriculture et leur équipe qui était au parc, donc c'était. Oh non, mais attends, mais t'es fou, quoi! Qu'est-ce qu'il y a? Puis message à Jeannot, essayez. Précisons que tu es originaire de Toulouse, hein. Sûrement pas, non, ça me ferait bien mal. Alors, je suis pas un paysan, quand même. Mais t'es Toulousain, mais attends, j'ai pas trop de mes pompes. Tes origines, voilà, c'est ça la vérité. Tu ferais quoi à ma place? Hein? Tu veux que je te dise? Tu veux que je balance ce que tu dis en antenne? Je suis pas Toulousain! Donc, sur le but toulousain, il y a eu une mésentente, je sais pas si vous avez vu, entre Sylvain Armand et Apoula Edel. En fait, Armand dit qu'il a entendu crier laisse! Par Apoula Edel. Et c'est vrai que Apoula Edel, il a crié laisse. Mais le problème, c'est que comme il a crié laisse, donc il a entendu laisse, il a oublié qu'il l'avait crié lui-même. Donc résultat, il a laissé. Et du coup, il y a eu but. Parce que le problème de Poulaïdel, c'est pas qu'il a un regard de poisson rouge, c'est qu'il a une mémoire de poisson rouge. Et donc, c'est quand même beaucoup plus grave quand t'es gardien de but. Et puis, Toulouse, alors, comme il fallait au moins ça, parce que Toulouse en attaque, ils ont un attaquant, le mec, il s'appelle Santander. C'est vraiment pas une flèche. Et en même temps, il s'appelle pas Barcelone Manchester. Il s'appelle Santander. Quand t'as un nom de 12e de la Liga espagnole, tu vas quand même pas t'attendre à avoir un génie. C'est quand même le remplaçant. Il s'appelle Pentecôte. Le Pentecôte, c'est la fête de la descente du Christ. Tu vas pas fêter la descente en Ligue 2 avec un mec pareil, je vois pas ce que tu peux faire. À la limite, tu veux faire peur aux défenseurs, tu prends un mec qui s'appelle Halloween. Ouais, ça a peut-être un peu plus d'effet. Après, vous avez parlé de Landreau, surtout, Peut-être aller à Toulouse pour un prochain grand after. Ouais. Hein? Pas de la Toulouse, quoi. Notre ami, Jérôme Alonso, qui, pas faux cul, a dit du bien de Landreau. J'adore, les mecs sont forts. Mais c'est comme quand Daniel, il dit qu'il souhaite que Marseille passe en Coupe d'Europe. C'est les deux trucs qui me font rire. Donc Landreau, vous avez dit qu'il faisait gagner des points en championnat. C'est vrai que forcément, lui, comme il te fait éliminer de la Coupe d'Europe assez vite, Landreau, après t'as la patate en championnat. Donc lui, c'est ça qui vient depuis qu'il est plus au PSG. Donc on va aller en Coupe d'Europe, donc on est crevé. Et Bordeaux, il faut que j'aille vite. Oui, attends, les chansons d'abord. Parlez de vous avez parlé de Johan Molo. Mmh. Johan Molo qui s'est lâché sur l'interview. Le problème c'est que Molo, quand il a eu l'interview, on lui a dit vas-y Molo. Alors lui il a dit bah je vais y aller. Alors du coup il est allé à fond, puis après il s'est excusé. Pas très bien compris qu'il fallait qu'il y aille tranquillement. Déjà. Ah oh bah ouais, chanson. Putain, j'ai même pas. Oh là là, j'en ai que deux chansons. Bon mais c'est pas grave. Ok, bah chanson. Putain, ça va trop vite. Hein, vous avez pris toute la place. Alors j'ai une petite chanson sur un joueur du RC Lens qui s'appelle Adil Ermache, sur Corinne Charby. C'est parti. Marocain natif du Gard, il arrive sans crier gare, il fait pas ramadan, il fait ramasse tes dents. Bienvenue dans la vie d'Adil Ermache, pas de sentiment. Adil Ermache, y voit l'attaquant. Adil Ermache, les deux pieds devant. Un coup ça passe, un coup ça casse. Bienvenue dans la vie d'Adil Ermache. Il est pas méchant, Adil Ermache. Mais quand il défend, Adil Ermache, à retardement. Un coup ça passe, un coup ça casse. Merci. Voilà, c'était pour Adil Ermache. Et une dernière rapide. Allez. Sur un joueur qui s'appelle Johan Bignier, dont on parle pas assez souvent, qui joue, je crois, au... Il joue aujourd'hui. J'ai plus à Rennes ou à Nice. Non, c'est à Brest. Il joue à Brest. Et oui, Brest, bien sûr. C'est un ancien Rennais. Sur une super chanson. C'est parti. Est-ce que vous êtes là ce soir pour ce grand joueur qui est Johan Bignier? Et toute l'Armorique va lui rendre hommage. 1, 2, 3, 4. Johan. T'es un ancien Rennais, oh oui, Johan. Mais on t'a pardonné, oh oui, Johan. Brest t'a adopté, et pour l'éternité, Johan. Pour courir pour ta clé, oh oui, Johan. Ah ça, t'es pas le dernier, oh oui, Johan. Sur un ballon dévié, tu pourrais mais marquer. Allez, tous ensemble. On est tous supporters de Johan Bignier. On est tous des grands fans de Johan Bignier. À pied gauche de folie, la vitesse de Rémi, la taille de Ludovic Julie. On est tous supporters de Johan Bignier. On est tous des grands fans de Johan Bignier.